sous quoi? Bien ou quoi, poto? Tranquille? Bien ou quoi, famille? Tranquille. Ça va et toi, le couche, bien? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Ouais, le rap, ça dit quoi alors? Ça va, alhamdoulilah, on est là, ça ouais. Se passe bien, machallah. Ok, je veux dire, tu as vu, moi aussi, je rappe et tout. Ouais. Et comment, tu as pas 2-3 conseils à me donner pour arriver comme toi et tout? Ben. Tu sais. Je n'ai pas eu la vie de Ricky, pas de lit en Ferrari, mais plutôt des lits superposés, cassés dans la nuit. Je suis sceptique, on grandit avec Michael Jackson et l'esprit pervers de Nicky Larson. À l'école j'étais un Bart Simpson, Bob Marley dans le casque pour planer sur Kingston. Nos grands frères vivaient comme Tanguy et nos darons sur fauteuil se prenaient pour Al Bundy. Dans les poches c'était le Sahara, la daronne rentrait du taf avec les larmes de princesse Sarah. Mes potes s'arrachent, les neurones fument et ont la tête plus grosse que dans le collège. Fou fou fou, nos sœurs sont belles, qu'elles aient ou pas le foulard. Si tu les cherches, elles deviennent des Myriam Lamar. Moi, assis sur un banc, la tête dans les nuages, j'attends qu'il m'arrive quelque chose de grand. Assis sur un banc, combien souvent, la tête dans les nuages, comme toi j'attends qu'il m'arrive enfin quelque chose de grand. Comme Luc, pour finir comme Anakin. Y'a ceux qui investissent dans le look, ceux qui vendent de la résine. Moi j'ai choisi la musique, celle de l'oncle Sam, pour avoir de la chance. J'touchais le mic, d'en toucher les armes. J'ai vécu dans la cabine de Fun Game, avec au bout du fil les couplets d'IAM et d'NTM. J'ai laissé mon ADN sur tous les micros, mais c'est pas toujours avec les as qu'on remporte le pot. Donc j'ai taffé mes textes, mon univers, pour que ma musique rassemble plus de monde que Zuckerberg. Tu sais, pour rapper, faut connaître la pointure de sa vie pour trouver chaussure à son pied. Donc j'écris mes textes sans faire le messrine. On m'a prédit l'échec, aujourd'hui je les signe. C'est vrai que j'ai quitté le banc, mais toujours la tête dans les nuages en attendant quelque chose de grand. Assis sur un banc, combien souvent, la tête dans les nuages, comme toi j'attends qu'il m'arrive enfin quelque chose de grand. Aucune couronne au rap français. Je n'écoute pas son discours, mais celui du mec debout sur un minaret. On m'a appelé soprano par rapport à l'appel à la prière, pas par rapport à Tony du New Jersey. J'ai pas changé. Tu peux me croiser le vendredi, le front posé sur la chaussée de ton quartier. Bien sûr que je traîne moi au quartier. À l'âge que j'ai, ma fille me veut auprès d'elle ou en train d'enregistrer. Ils n'ont jamais demandé d'avoir un père célèbre, donc je fais tout pour être présent pour ces petits zèbres. C'est fou comme les choses changent. Avant je jouais ma vie sur des notes noires, aujourd'hui sur des blanches. Je t'avoue, des fois le succès ça me rend fêlé. Je veux pas me plaindre, c'est la vie dont je rêvais. Moi le mélancolique, avec le temps je prends conscience de vivre quelque chose de grand. Assis sur un banc, combien souvent, la tête dans les nuages, comme toi j'attends qu'il m'arrive enfin quelque chose de grand. Voilà, poto, hein, tranquille. Hein. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai compris le truc. Ouais, en tout cas, frérot, franchement, tiens sûr, merci pour le conseil. Y'a pas de blême, famille. Vas-y, pour ton bien, on se voit, hein, frérot, tranquille. Vas-y, et bien, bon courage pour la suite. Hein. Merci, frérot. Plus tard, ce soir. Ciao. Ciao, le cousin.